Bonjour à tous. Merde. Alors. Allô, ça marche? Allô, allô. Bonjour à tous. Donc voilà, c'est Debout Éducation Populaire. Comme tous les dimanches, comme tous les week-ends sur la place. Donc là, on va partir pour 1 heure de débat. Le thème sera présenté par Valentin. Donc voilà, hein, nous on est présents tous les dimanches, on sera présents tous les dimanches pour faire notre atelier EducPop. Et aujourd'hui l'atelier EducPop il commencera à 15h. Donc je vais laisser parler. Je vais laisser commencer Pierre-Alexandre. Voilà. À la suite de cette intervention. On aura l'atelier EducPop de 15h à 17h. Voilà. Après l'intervention, là, on fait 1 minute de silence pour les morts. Ah oui, ben je suis pas au courant. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en fait, après l'intervention de Pierre-Alexandre et Valentin, on va arrêter l'atelier, on va faire 1 minute de silence pour les morts au Bataclan et puis aux attentats. Voilà. Donc allez-y, vous pouvez commencer. Allô. Donc, bonjour à tous. Donc si je suis ici en ce magnifique dimanche pluvieux parisien, ce n'est pas pour vous parler des attentats, mais pour vous parler de démocratie directe. Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une étape importante dans notre démocratie. Il faut que tous les citoyens puissent s'impliquer dans la vie politique de leur ville, de leur département, de leur région et de leur nation. Et qu'on ne laisse pas tout ça laisser faire les politiques et qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faut qu'on s'implique de façon plus formelle et plus constructive tous ensemble. Et une des façons de pouvoir effectuer la démocratie directe, c'est d'après moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le numérique, en pouvant échanger via des plateformes Internet. Qui nous permettrait d'exprimer nos idées, de pouvoir débattre et ainsi de pouvoir établir en collaboration avec donc, soit la mairie, soit le département, soit la région, pouvoir faire des actions tout ensemble. Donc, pour continuer, je vais vous laisser la parole à Valentin. Bonjour à tous. Donc en fait, comment ça fonctionnerait la démocratie directe via la e-démocratie? C'est en fait développer des sortes de réseaux sociaux qui permettent en fait la démocratie directe, elle passerait par trois points. C'est d'abord la transparence, comme diraient les communistes, la glasnost, c'est-à-dire arrêter en fait de ne pas savoir, d'être constamment dans le flou au niveau des différents politiques, ne pas savoir leurs décisions, ne pas connaître le budget au niveau local, comment il est attribué. Donc en fait, nous, la méthodologie, la nouvelle façon de penser un petit peu, ça, elle passerait par le local. Donc tout d'abord dans les communes, où en fait, on pourrait connaître via une plateforme les différentes décisions, points de vue par rapport aux différentes lois des élus locaux. Donc en fait, quand on a un maire dans une ville, je prends un exemple, il y a un budget qui est alloué à un certain nombre d'éléments. L'objectif, c'est de connaître ces choses. Donc grâce à une plateforme, déjà, on pourrait avoir les différents points de vue. En temps réel. L'objectif, c'est au-delà de cette transparence, c'est aussi de savoir, de pouvoir interagir. Donc en fait, sur la plateforme, il y aurait des référendums constants sur les différentes opinions qu'il peut y avoir sur, par exemple, un budget qui est alloué sur 3 ans, sur différents projets. On voit que, par exemple, la mairie de Paris a commencé à faire ça sur 10% de son budget. Là, l'objectif, c'est au niveau local de prendre part et d'avoir des décisions sur ce budget qui est alloué. Donc ça passerait notamment sur une description, une transparence de l'ensemble du budget qu'il pourra y avoir dans une mairie et ensuite définir ensemble, nous les citoyens sur la plateforme, comment nous on souhaite l'allouer. Donc en fait là, à ce niveau-là, la responsabilité, les référendums qui pourraient se passer pour nous les citoyens, c'est d'avant tout d'avoir des spécialistes qui échangent sur la plateforme. On aurait des espèces de petites vidéos de 5 minutes qui déclinent le projet et ensuite les points de vue adverses sur ce projet. Et ensuite, la population pourrait décider ensemble si oui ou non on adhère au budget et si oui ou non on accepte que le budget de la commune soit alloué sur ce projet. Donc ça a un impact direct sur les politiques parce que déjà ils sont au courant de l'opinion des citoyens, mais en plus de ça, c'est un réel contrôle sur leurs actions. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont pris cette telle décision à tel moment et on sait quel point de vue a la population. Donc on peut être en phase et rester cohérent sur la politique sur laquelle il s'est engagé. Donc c'est un peu l'objectif de la e-démocratie, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer et de connaître les vraies décisions des politiques en temps réel. Bon voilà, c'était une petite présentation de 5 minutes. Hein, après effectivement il y a l'aspect participatif où l'objectif au niveau local c'est aussi quand il y a les élections de budget. Ça serait vraiment que les citoyens de la ville puissent vraiment être acteurs de leur ville et puissent vraiment participer, échanger, donner leurs idées et qu'ils puissent s'exprimer parce que c'est eux qui vivent dans cette ville et c'est eux qui vont vivre pendant pas mal d'années, qui vont voir grandir leurs enfants et c'est eux qui veulent avoir une vraie vision d'avenir sur cette ville. Et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on incite la population à participer par tous les moyens possibles. Et je pense que la e-démocratie et donc la participation via Internet est une chose assez facile à mettre en place qui pourrait vraiment permettre à tous les membres d'une commune ou d'une ville de pouvoir essayer de construire ensemble leur ville de demain. Voilà. Je vous remercie. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Moi, personnellement, j'en ai une. Donc je peux commencer. Du coup, moi, dès que j'entends parler d'Internet, ça me fait penser à hackers et tout ça, tu trafiquais les chiffres et tout ça. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à ce côté-là ou pas? Aujourd'hui, il y a des moyens de contrôler qui se connecte. On peut penser à des identifiants via des indicatifs de carte électorale, des numéros de foyers fiscaux. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place. Donc oui, on peut aujourd'hui définir. Après, l'aspect important aussi, c'est que c'est une façon de modéliser un peu une nouvelle pensée. Donc en fait, cet avis, il a pas. Si par exemple il y a une élection avec un référendum sur un projet, c'est avis consultatif du politique. Il sait. En fait, cette méthodologie-là, elle aura la force qu'on lui donnera. Donc en fait, c'est une pression indirecte. Il y aura pas. On sait qu'il y a un tant de citoyens dans la mairie qui ne sont pas d'accord sur ce projet-là. Maintenant, ça n'a pas vecteur dans le pouvoir exécutif. C'est vraiment une force de contrôle. Après, oui, au niveau de la sécurité Internet, il y a plusieurs choses qui peuvent être mis en place avec les différents identifiants qu'on peut avoir. Enfin, c'est les sécurités entre guillemets classiques qui éradiquent pas le risque. Hein. Il est toujours existant, mais en tout cas, il y a des solutions qui existent. Tu veux répondre aussi? Je voulais juste confirmer qu'il faut bien sûr faire très attention à ça, que les gens, quand tu votes une seule fois, tu votes pas 10 fois, ça n'aurait aucun sens. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi exactement comment mettre ça en place, hein, c'est encore que des idées, mais bien sûr que la sécurité est extrêmement importante. Et après, comme l'a dit Valentin, c'est un but consultatif. Le but, c'est de faire pouvoir permettre aux citoyens de s'exprimer sur les décisions qui les concernent. C'est sûr que je pense qu'il faudra qu'on puisse retracer, les gens pourront retracer qui a dit quoi et pour que bien sûr qu'il n'y ait pas de litige à ce niveau-là, bien sûr. Et du coup, ça serait les citoyens pourraient participer à chaque fois que la mairie veut instaurer quelque chose dans la ville, en fait, c'est ça? À chaque fois qu'une loi ou quoi que ce soit passe, les citoyens peuvent participer à la question. Ce serait qu'ils puissent chacun à chaque fois mettre leur avis, donc une fois qu'une loi est appliquée, un arrêt municipal est appliqué, mais aussi pour l'allocation, comme dit mon confrère Valentin, pour les budgets. On ne sait jamais vraiment où va l'argent, pour combien de temps, quelle est leur vision, parce que peut-être qu'ils ont une vision qu'on n'est pas au courant, et à part juste avant de se faire élire, on ne les entend jamais parler. Donc je trouve que ce serait intéressant que le citoyen prenne vraiment à bras ouverts le sujet et puisse vraiment être acteur de la situation. Tu veux, toi? Du coup, coup, donc pour les, en fait, pour consulter les citoyens, ça, donc l'idée, ça serait de passer par Internet, c'est ça ou, ouais. Mais bon, du coup, je fais toujours le mon relou. C'est Internet, en fait, ça, ça ferme forcément un peu l'accès à tout le monde, en fait, parce que même si on est en 2016 et que il y a, on est beaucoup à avoir Internet, mais il y aura toujours une minorité qui n'a pas accès à Internet ou qui n'a même pas envie, peut-être. Enfin, je sais pas. Il peut y avoir plein de raisons, en fait, pour pas avoir accès à ça. Et du coup, bah, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé à ça et est-ce qu'on peut trouver une solution? Ça, c'est la solution. Je pense qu'il n'est pas trop compliqué non plus. Il faudrait soit que la mairie nous laisse un local avec un ordinateur et Internet, soit qu'on crée une association et qu'on se trouve un local et qu'on pose des ordinateurs avec Internet. Ça demandera certains frais de fonctionnement en plus, mais je pense que c'est pas non plus déraisonnable et je pense que ça le genre vaut la chandelle de trouver ce financement. Oui, moi j'avais aussi cette question en effet sur qui peut y accéder. Et j'avais deux autres questions. La première, vous avez parlé de référendum. Donc je me demandais, à chaque fois c'est les consultations, donc les questions sont déjà posées par le politique. C'est-à-dire, c'est pas les citoyens en fait qui mettent en place des questions et qui font des propositions. À chaque fois, c'est en réponse à quelqu'un d'autre. Donc déjà, pour que les citoyens s'y intéressent, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient intéressés par les questions qui sont posées par autre chose. Donc l'aspect participatif là-dessus est assez limité. Et aussi sur la participation, je crois que le gros souci de ces outils-là qui existent déjà, c'est qu'il y a très peu de gens en fait qui participent. Et pourquoi est-ce qu'il y a très peu de gens qui participent? Parce qu'ils se rendent compte que ça n'a pas d'impact. L'aspect consultatif, c'est bah, au final, ils s'en foutent. Quoi. Si c'est juste pour donner leur avis qui ne sera pas pris en compte, en plus, quel intérêt? Enfin, je me dis, peut-être pour qu'il puisse y avoir une réelle participation, il faudrait que du coup les citoyens puissent être non seulement acteurs de propositions, acteurs de questions, et qu'en plus ce soit pris en compte. C'est-à-dire que du coup, il y a une démarche politique derrière. Donc je ne sais pas si là-dessus vous avez des réponses. Après, au niveau participatif, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent être mises en place. On pense, par exemple, à quand il y a une allocation, on sait qu'il y a tant de budget qui est pour les loisirs. Il peut y avoir un espèce de challenge qui est fait au niveau des différents projets qui peuvent être déposés et par les citoyens. Donc, du coup, là, ils peuvent être force de proposition avec un petit peu les pitchs qu'on peut voir sur les plateformes de financement participatif où on décrit son projet, on explique combien il coûte. Et là, on voit combien de personnes peuvent adhérer. Donc là, c'est sur ce sujet-là, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Après, sur l'autre sujet, je sais pas. Après, c'est certain, pour être mise en place, il faut qu'on trouve une mairie qui veut bien participer avec nous à essayer de faire ça, à mettre en place ce système. C'est sûr que tout seul, on n'y arrivera pas. Politiquement, juridiquement, on n'a pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut que les citoyens puissent exprimer leur avis et puissent être force de proposition et proposer des thèmes. Et c'est ce que me parlait un petit peu Valentin dans sa présentation, c'est qu'on pourrait faire des conférences avec des visioconférences et des débats avec des gens externes à la ville, ou entre guillemets pas des experts, mais des gens qui connaissent des sujets, qui peuvent avoir des avis différents, et les citoyens qui peuvent à la fois débattre et échanger. Et là-dessus, peut-être réussir à trouver une proposition qui pourrait être intéressante, qu'on pourrait essayer de mettre en avant et essayer de vendre aux politiques pour qu'ils puissent la faire appliquer. Je pense que des choses qui sont aussi possibles. Sur le système du peu de personnes qui participent à ces sites, et c'est fait, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est là où c'est mon avis le plus dur, c'est qu'il faut vraiment impliquer les gens pour qu'ils puissent... parce que je pense qu'ils aimeraient bien le faire, en fait, au final, mais ils n'y croient pas. Je pense que comme ils ne voient pas le résultat et qu'il y a 10 personnes qui veulent ça, donc je pense que le vrai challenge, il est là, c'est réussir à trouver une mairie qui va bien nous aider à mettre ça en place, et que vraiment nos actions pèsent dans les décisions, et que ça fasse un effet boule de neige, et que les gens se rendent compte que oui, il y a d'autres façons de faire la politique, c'est pas juste mettre un billet dans une urne une fois tous les 5 ans et se plaindre en disant qu'il a rien fait, qu'on n'est pas content de ses décisions, et continuer à se plaindre et remettre un bulletin ou même pas aller voter, et ça changera pas. Je pense qu'il faut... ça va pas être facile, ça va sûrement prendre du temps, mais je pense que le combat de demain, quoi, un des combats à mener pour demain, en tout cas pour la politique, c'est vraiment d'impliquer les gens au cœur. Et pour ça, il faut qu'ils se donnent du mal aussi, il faut qu'ils rentrent dans le jeu. Mais je pense que si on est tous ensemble, on peut avoir des résultats intéressants. Après, Après, au niveau du levier sur les politiques, où en fait il y a peu d'impact puisque c'est un vecteur consultatif, ce point-là, en fait, je suis partiellement d'accord dans le sens où en fait, grâce à un aspect de transparence, avec en fait un espèce de profil du politicien en question sur tous les points de vue sur lesquels il a eu un avis sur quel budget, quel point de vue, quelle décision il a pris au fur et à mesure de l'ensemble de son mandat ou quels sont les sujets sur lesquels il y a une vraie visibilité en fait. Et donc là, cette opacité qui est un peu voulue, elle n'existera plus. Donc en fait, après, effectivement, sans l'effet boule de neige, ça peut pas fonctionner. Mais après, en ayant un petit peu cette visibilité et ce contact avec le politique, là, on peut avoir un vrai levier. Parce que là, le politicien, on peut voir sur sa plateforme qu'on n'est pas d'accord. Et après, là, il y a un vrai, un espèce de lobbying, en fait, du citoyen qui peut être fait. Alors bien sûr, s'il y a 10 personnes sur la plateforme, ça fonctionnera pas. Bon, c'est pour ça qu'en fait, ce type de démarche, elle peut fonctionner au départ que de façon locale. Parce qu'en fait, les gens, pour qu'ils puissent se rapprocher, c'est avant tout sur des sujets sur lesquels ils sont en contact au quotidien. Donc c'est au niveau local, pour l'instant, que ça doit démarrer. Après, ça peut cette méthodologie-là, elle s'étendra de façon plus ou moins, on l'espère, sporadique dans les différentes communes. Et après, fédérer pour avoir un impact au niveau départemental, régional. Ça peut avoir... En fait, c'est vraiment une méthodologie, une façon de penser qui, après, peut amener les gens à s'impliquer. En fait, cette espèce de désillusion latente, ce sentiment d'impuissance, justement, il peut être contrecarré par ce type de méthode. Donc, effectivement, dans l'état actuel, si on propose quelque chose au niveau local, en proposant des visibilités sur les projets, je pense que justement ça peut attirer les personnes. Bon après il faut faire en sorte que ce soit ergonomique, que il y a aussi une sensibilisation des communautés au niveau local qui doit être faite. Hein. Il y a un travail en amont, c'est évident. Non, attends, je vais me rapprocher. Non, c'est bon. Bah en fait, moi, ça me laisse assez dubitatif parce que, en fait, les dés sont pipés au départ, quoi. Donc, je vois pas trop l'intérêt, puisqu'en fait, on n'a jamais été en démocratie. On ne cesse de nous répéter qu'on est en démocratie, mais bon, on choisit pas les gens pour qui on vote. Et une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent promettre quelque chose et faire le contraire. On a des médias, pareil, c'est eux qui gouvernent, en fait, aussi, hein, les médias. Parce que vous parliez de transparence, mais on a des médias qui sont aux mains de milliardaires. Ils se payent pas les milliardaires, ils se payent pas les médias pour le bien du peuple, mais pour leurs intérêts, pour justement avoir les politiciens à leur botte. Voilà quoi. On a une Union européenne, c'est pareil, qui est pas non plus du tout démocratique, quoi, avec une commission, avec des gens qui sont pas élus, avec des lobbies, etc., etc. Quand on voit il y a les traités transatlantiques, traités TAFTA, etc. Des choses qu'on nous passe derrière le dos, qu'on nous fait croire que on va les retirer, mais qu'en fait, on les met quand même. Enfin bref, c'est plein de magouilles, quoi. Et donc, je vois pas vraiment quoi l'intérêt, quoi. En fait, là, le problème, un truc consultatif avec quelques gens qui iraient s'intéresser au budget ou je ne sais quoi. Enfin bon, je sais pas. De toute façon, déjà, la transparence, il n'y en a pas, quoi. Enfin bon, les dés sont pipés au départ, comme je l'explique, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Justement, c'est bien parce que les idées sont pipées au départ qu'il faut qu'on s'implique au niveau localement, là où on peut essayer de contrôler les choses. Parce que au niveau de l'Union européenne, moi en tant que citoyen européen, l'action que je peux y mener est très réduite. Que ce soit au niveau national, c'est pareil, mon action elle est quand même assez réduite. Au niveau régional et départemental, c'est pareil, tu peux aller voir ton député. Mais bon, au niveau d'action, elle est vraiment très réduite. Je pense que là, on a plus de chances de pouvoir aboutir à quelque chose, c'est au niveau local. Parce qu'au local, on y vit. Les gens y vivent, les gens y mangent, les gens y meurent, les gens y lèvent leurs enfants là-bas. C'est leur vie, elle est là, elle est à niveau local. Et c'est là où je pense que vraiment le citoyen, comme c'est là où il vit, c'est là où les décisions sont les plus importantes. Et je suis d'accord avec toi, hein, ça n'empêche pas que ça demande la transparence, ça demande de la contrôler, la transparence. Mais il faut pouvoir permettre à chaque citoyen, chaque personne qui le veut, de pouvoir la contrôler. Moi, je dis pas que les informations elles vont être fournies par TF1, France 4 ou... Non, non, c'est chaque citoyen. On va demander des choses, les chiffres aux maires, aux institutions. Alors bien sûr, ils peuvent nous donner des faux. Après, c'est faux usage de faux. Ça, pour le coup, au niveau du législatif, au niveau du judiciaire, on peut contre-attaquer. Et je pense que c'est à chaque concitoyen de pouvoir effectuer cette démarche, de vérifier que c'est la transparence et ce qu'on nous file est correct. Et qu'on puisse impliquer les gens, et ça, c'est aux gens eux-mêmes de pouvoir contrôler les choses. Et pas laisser contrôler par un média ou par un autre acteur externe. Parce que sinon, en vrai, il faut avoir énormément confiance en l'acteur externe pour croire ce qu'il dit. Et moi, personnellement, j'ai ni confiance en soi dans les médias, dans l'absolu. Tu vois, c'est parce qu'on dit quelque chose que je le crois. Et c'est pour ça que je préfère pouvoir participer, être acteur et vérifier les sources via justement une plateforme où j'ai des données, où je peux échanger, où si je trouve quelque chose de bizarre, je peux en débattre, je peux en dire, bah justement, je trouve ça bizarre ces chiffres, je comprends pas bien comment, où ils sont passés, qu'on me montre les devis, etc., etc. On peut comme ça essayer d'avoir un peu plus d'informations, un peu plus de vérité, et pouvoir ainsi agir et, quoi. Je sais pas si t'as autre chose à dire. Non, mais c'est ça, c'est la proximité. Vraiment, voilà, un travail de proximité au niveau local où on peut vraiment s'investir, on voit les choses qui se passent. Quand ils se construisent une crèche, tu le vois, ils se construisent dans ta ville, c'est quelque chose de concret. Tu peux savoir s'ils ont fait des devis, comment ça s'est passé, pouvoir échanger autour de ça et pouvoir être force de proposition et proposer de faire mieux ou de reconstruire notre crèche ailleurs. Je pense qu'on peut essayer d'apporter des choses, des solutions en tout cas. Non, vous n'avez pas de questions? Personne n'a des réactions? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'au niveau local, c'est d'abord là où ça peut être mis en place. Et encore une fois, ce que tu viens de dire, par exemple, c'est voilà, s'il y a une crèche qui est construite, les gens peuvent dire ce serait mieux là ou là. Mais la chose qui m'ennuie un petit peu, c'est aussi dans l'aspect numérique, mais c'est que, dans cette plateforme-là, c'est très très très compliqué de mettre en place des débats. Parce que parce que sur le virtuel, les gens peuvent vite aller aux insultes, peuvent vite aller au. C'est très différent que d'être en présence des personnes. C'est vraiment très différent, et donc du coup, l'échange, le débat, le fait de modifier sa propre pensée sur le virtuel, c'est quasiment impossible en fait. Enfin, sauf pour les gens qui déjà vont dans l'idée de je vais me renseigner sur ce que pense l'autre, mais celui qui va juste pour exprimer son avis et il va avoir d'autres avis, il va essayer d'exprimer le sien le plus souvent possible. Donc. Enfin, pour moi, c'est pas forcément une solution, ou alors ça peut être en parallèle du coup de débats réels, mais ça pourra pas ni les remplacer, ni même les suppléer, quoi. Et l'autre aspect, c'était aussi, du coup, donc s'il y a des propositions et qu'il n'y a pas de débat, bon, c'est un petit peu compliqué sur le point de vue numérique. Et aussi, voilà, le problème, c'est que le numérique, ce sera toujours par rapport à une proposition déjà effectuée. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, du coup, je veux le nuancer un peu. Ce sera pas forcément un vote oui ou non. Il peut y avoir en effet, il y a ça qui est proposé, où est-ce que vous voudriez que ça soit. Là, il y a une forme de participation, mais il y a déjà forcément quelque chose de proposé. Alors, je ne sais pas s'il existe, par exemple, vraiment une plateforme tout à fait ouverte sur, dans votre commune, qu'est-ce que vous voulez comme infrastructure qui soit faite cette année, par exemple. Ou qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans votre commune, avec un axe, par axe, par exemple. Axe environnement, axe éducation, axe... Voilà, est-ce que ça existe dans ma commune, personnellement, non. Après, sur la tienne, je sais pas. Non. Mais après, personnellement, dans ma copine, pas mal. Dans ma commune, tout ce qui est numérique, ils en sont très, très, très loin. Ils en sont. On est. Oui. Donc, ils viennent nous voir. On les voit à la place du marché avant les élections. Sinon, ils restent dans leur magnifique mairie. Et tu les vois pas. Tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais pas ce qui se passe. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on. On ne peut pas faire que du numérique. Je suis d'accord avec toi, quand on parlait de conférences ou d'isoconférences avec des externes, avec des débats, c'est sûr, c'est mieux si tu peux avoir une salle et tu peux rassembler les gens. C'est même plus concret et c'est plus accessible pour les gens, mais ça coûte plus de financement. Et tout le monde ne sera pas d'accord de le faire ça dehors, en plein air, sous la pluie, en plein mois de novembre. Hein. Ça, pas forcément beaucoup de gens qui vont se déplacer. Donc ça devrait avoir un local, quoi. Donc tout ça, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et c'est l'avantage pour moi de l'internet, c'est de réduire les frais et de pouvoir quand même participer tout en à moindre coût entre guillemets. Après, l'un n'empêche de faire les deux. Je pense qu'on peut très bien faire, si on arrive à le faire, parce qu'on a des subventions ou que des gens veulent bien nous filer des salles, on peut très bien faire des débats à l'intérieur qui sont retransmis via des webcams sur le site, où les gens peuvent échanger comme ça se développe quand même de plus en plus, où tu peux voir des gens qui tweetent, des trucs comme ça, ou si les gens qu'on essaie de faire, ou qu'on peut même imaginer quelqu'un qui puisse être là et exprimer ses idées et qui retransmette certains commentaires. Alors il pourra pas tous les retransmettre, il fera peut-être un choix. Ça, c'est sûr. Après, sur le point de vue des insultes sur l'internet, que ça permet aux gens de se permettre de faire n'importe quoi, je suis complètement d'accord. C'est les gens ne se respectent pas, ils font vraiment ça de façon anonyme et ils sont jamais, on ne sait jamais qui dit quoi, ils n'assument jamais leur parole au final. Donc c'est pour là, c'est pour ça quand je disais par rapport, on parlait de la sécurité au niveau du, faut forcément qu'on trouve quelque chose pour qu'il y ait une seule personne qui puisse se connecter entre guillemets au site. Donc une seule personne. Après si tu t'es piqué ton mot de passe, tu peux te, je suis d'accord avec toi, ça reste la sécurité, je suis d'accord avec toi. Et qu'il y ait une seule personne et qu'on puisse retracer. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément, je ne suis pas forcément pour qu'il y ait son nom et prénom, parce qu'on n'est pas là pour faire du pugilat ou des choses comme ça. Mais que si vraiment on veut se renseigner et savoir qui il a dit, qu'on puisse quand même retrouver la trace. Tu vois, on a un numéro de code pour chercher sur une base de données, savoir qu'est-ce qu'il a dit. Enfin, c'est des choses qu'on peut réfléchir à comment mettre en place. Moi, c'est plus du fonctionnel que de l'idée. Du coup, j'avais deux questions toutes simples. Juste en fait, ça fait combien de temps que vous avez cette idée-là et est-ce que du coup vous avez des pistes pour quelle commune serait capable de... Est-ce que vous avez commencé à chercher ou pas du tout? Du coup, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit avant, enfin, pour le numérique en fait, parce que enfin, ça m'embête juste un peu l'argument de que ça coûte cher. Parce que voilà, enfin, ça serait, enfin voilà, je reste aussi, je suis assez d'accord que la rencontre réelle reste hyper importante et même indispensable. Et du coup, ça serait quand même dangereux de, entre guillemets, du coup, brader la démocratie pour des raisons financières. Enfin, c'est un peu, ça, mais je sais que c'est pas forcément ça que tu dis, mais voilà, je suis un peu tatillon. Et ouais, donc du coup, sinon, toutes les questions, toutes simples, quoi, comment, depuis combien de temps, etc. Après, juste pour l'aspect bradé, l'intervention. Le problème aussi, c'est que l'être humain, le citoyen, il a un travail, il travaille 8 heures par jour, il n'a pas forcément le temps d'aller dans des débats, pour tous les débats qui concernent sa commune. L'avantage aussi qu'on a avec le numérique, c'est que où là aussi, il y a une concentration qui est très faible, c'est-à-dire qu'on regarde une vidéo de 2 minutes, on commence à s'enlacer. Là, on parle d'un pitch de 1 minute chacun sur un sujet, alors qui est exprimé par un projet citoyen ou par le gouvernement en place. On regarde une vidéo d'un point de vue et de l'autre, l'explicitation du projet, et ensuite on dit oui ou non. Et après, effectivement, le phénomène en début de mandat où on peut faire par grille de secteur, social, culturel, bâtiment, peut être faite sur un espèce de questionnaire ouvert qualitatif pour pouvoir savoir où est-ce qu'on veut déjà allouer. Mais le phénomène de pouvoir donner son avis en tant que citoyen directement sur tous les sujets, moi, c'est une pensée qui m'est propre, mais je pense que c'est plus aisé via le numérique, parce qu'en fait, les gens n'ont pas le temps de faire des débats sur tous les sujets de la vie politique en rentrant chez eux après avoir travaillé 8 à 10 heures la journée. Donc il y a un aspect aussi pratique qui permet aussi d'interagir sur les différents sujets et assez rapidement. Donc après, comment on a réfléchi un peu sur ça fait une petite année qu'on y réfléchit. Moi, j'ai des amis à Epitech qui pré-travaillent sur une plateforme. Maintenant, c'est un peu laborieux parce que bon, tout le monde a ses occupations annexes. Mais après, effectivement, la façon de réussir à l'implanter, il y a plusieurs schémas. Le premier, c'est effectivement d'en parler à des mairies qui pourraient être aptes au changement. Donc déjà, ça réduit un petit peu le foyer. Ensuite, des villes qui commencent à faire des événements participatifs. On voit que la mairie de Paris, ils ont commencé très doucement. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Sur 10% de son budget, où il y avait justement un challenge, bon, c'est ridicule, mais néanmoins, ça montre qu'il y a une tendance quand même, à une volonté en tout cas. On tend vers... Mais en tout cas, au niveau de certaines villes, moi je sais qu'à Ivry, il y a certains points qui sont abordés sur ce sujet-là, où justement ils sollicitent les concitoyens sur certains sujets. Bon, alors pour l'instant c'est vraiment réduit, mais c'est vrai que il va dans ce sens. C'est une ville qui est communiste, qui tente effectivement, qui est un peu, qui essaye d'être proche en tout cas de ses citoyens. C'est sûr que ça marchera mieux à Ivry qu'à Neuilly ou à Sceaux. Donc, et en plus, l'avantage, c'est que c'est visualiser ça sur des petites communes où en fait les leviers sont rapides. On peut avoir, on n'a pas des gigantesques organes décisionnels qui empêchent justement et qui contrecarrent l'ensemble des décisions. Là, objectif, c'est d'avoir quelque chose où on peut directement, sur lequel on peut agir. Donc, pour l'instant, c'est le stade un petit peu embryonnaire, où on réfléchit, on essaye d'en parler, partager, à côté de ça, mettre en place une plateforme. Maintenant, le sujet, c'est aussi de trouver quelqu'un qui veut jouer le jeu. Donc, ça peut passer par quelqu'un qui est élu, ça peut passer par son challenger pendant les élections qui peut faire partie de son programme. Comme ça, de toute façon, hein, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc on est obligé de leur vendre un peu le sujet pour pouvoir qu'ils réussissent à attraper des votes. Mais nous, ça nous permet de progresser aussi au niveau de la démocratie. Donc, sinon, après, si ces deux stratégies ne fonctionnent pas, bah, malheureusement, il va falloir aller au turbin et taper à la porte pour faire adhérer au projet. Mais là où il y a un levier possible, c'est que justement, au niveau local, c'est possible de faire ça. On va au marché, on va dans les moments forts de la ville et on parle du projet. Moi, je sais qu'à Ivry, par exemple, il y a énormément d'HLM. Il suffit d'aller en bas des HLM, discuter avec les gens. Bah, là, il y a un impact. Et là, directement, quand on parle en bas d'une cité, bah, abracadabra, il y a 2000 personnes qui sont au courant du sujet. Donc là, il y a des vrais vecteurs. L'effet boule de neige, il est possible au niveau local. Je suis tout à fait d'accord au niveau départemental, régional, mais au niveau local, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, je voulais juste rajouter deux mots par rapport à ce que tu avais dit. Je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut qu'il y ait une application locale en concret, en direct. Surtout au local, c'est quand même plus facile de pouvoir se voir en local. Et je pense que la e-démocratie, c'est pas... Moi, je dis pas quoi. On ne pense vraiment pas ça. C'est la e-démocratie ou rien. C'est pas du tout ça ce qu'on dit. On dit juste que ça peut être un outil, un instrument, une plateforme d'accès en plus, qui va peut-être permettre à quelques personnes, même si c'est pas forcément toute la commune, mais peut-être que ça aidera quelques personnes à se dire, ouais, je peux faire quelque chose, à participer. C'est voilà, pouvoir donner accès, en tout cas, enfin un autre chemin, parce que je pense que tous les chemins sont bons pour que la démocratie directe puisse vraiment être appliquée et qu'on puisse vraiment tous travailler ensemble pour notre avenir, quoi, au final. Voilà. Ouais, moi je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant votre projet. En fait, c'est pour moi, c'est sûr, il faut le faire en parallèle. Enfin, dans ma tête, je me dis forcément, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça. Moi, personnellement, je ne participe jamais aux sondages et tout ça sur Internet, tu vois. Donc, mais c'est vrai que quand tu vois le succès du crowdfunding aujourd'hui, tu peux te dire, il y a des gens qui sont motivés pour ce genre de choses. Donc, non, moi, je trouve ça vraiment intéressant, franchement. Bonjour. Juste un petit retour d'expérience. Moi, j'ai participé à plusieurs... type de plateforme consultative, concertative sur Internet. Et en fait, moi, ça m'a gêné sur le côté, on prend beaucoup de temps à poser les mots, à réfléchir à ce qu'on dit, et on n'a pas de retour derrière. On a l'impression de poser quelque chose sur une page, et on n'a aucune idée de si ça a juste été entendu. Et moi, je trouve ça hyper frustrant, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, de donner de soi, en fait, et de ce qu'on pense, et de pas savoir du tout les conséquences qu'il y a derrière, et si juste ça a été entendu par quelqu'un et vu comme par quelqu'un. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que le rapport vivant, au moins on a au moins l'impression d'être entendu, et c'est au moins valorisant pour ça, ce qui n'est pas forcément facile sur le numérique. Voilà, c'est juste par rapport à mon retour d'expérience, et je suis complètement d'accord sur le niveau local, même si c'est pas facile. Après, moi je suis en province rurale profond, donc c'est quand même beaucoup plus facile j'ai beaucoup travaillé avec des élus mais qui sont en fait des retraités qui ont envie que ça bouge dans leur petite commune de 500 habitants, où la démocratie, je pense, elle est vraiment vue complètement différemment qu'ici, je pense, même si je ne vis pas ici, mais pour moi c'est un truc énorme, intouchable un peu, mais voilà, juste. Et du coup, pour revenir juste sur le numérique aussi, il y a encore des gens qui ne sont pas du tout de cet aspect-là, il y a encore des zones blanches. Et moi, je sais qu'en milieu rural, on a essayé de faire pas mal de choses liées au numérique, et on a eu quand même cette contrainte-là, qui est qu'il y a un public qu'on ne peut pas toucher, et forcément, il faut que ce soit complémentaire avec d'autres formes de démocratie directe. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi sur la complémentarité, hein, c'est ce qu'on disait juste avant. Je pense aussi qu'il faut qu'on... Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais qu'il faut qu'on forme... mais le plus âgé, en tout cas toute la population à l'internet et au numérique, parce que quand même beaucoup plus de choses aujourd'hui qui se font par en numérique. Si tu as des papiers au niveau local, quoi, au niveau administratif, etc., tu peux les avoir par le numérique et tu les envoies par la poste. Je parle exactement pour les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, qui habitent en milieu rural et qui pourraient aller à la préfecture, bah, c'est 2 heures de route. Et ça, je pense que, bon, ça n'a rien à voir, mais je pense qu'il faudrait que l'État prenne aussi en charge la formation des personnes pour que tout le monde puisse avoir accès au numérique. Mais bon, c'est un autre débat. Sinon, je pense que sur ce que tu disais, sur le fait que tu as l'impression de parler dans le vent, entre guillemets, hein, je traduis un peu tes paroles quand tu fais tes commandes sur, tes commentaires sur ce genre de site. Je pense que ça a quand même pas mal évolué. Je trouve qu'on peut faire quand même beaucoup plus de choses. Tu peux mettre les j'aime, tu peux répondre à un commentaire, etc. Donc c'est quand même beaucoup moins comme avant, où je trouve que ça se développe quand même de plus en plus. Je suis d'accord avec toi, c'est pas toujours parfait. Souvent, t'as l'impression que personne t'écoute. Ou alors, les gens qui t'écoutent, c'est pour t'engueuler, ce qui n'est pas toujours terrible. Mais je pense que c'est aussi ça le débat et que ça peut aussi permettre à certaines personnes d'exprimer leur idée et qu'ils n'auraient pas le courage de le faire sur une scène en parlant à un micro. Il y a beaucoup de gens qui en sont, j'en connais personnellement, qui sont incapables de parler même sur micro, en parler à plus de 5 personnes, s'ils ne les connaissent pas, c'est impossible. Donc là, ça peut aussi permettre d'atteler certaines langues. Et comme je disais, c'est vraiment un outil pour moi complémentaire. On peut essayer de faire avancer les choses, mais ça remplacera jamais l'humain et la parole en direct et les échanges entre nous, quoi, c'est sûr. Non, c'est vrai, c'est vachement important. Mais ce que tu dis, que les gens, ils n'arrivent pas à s'exprimer devant les gens, c'est vrai. Mais je pense justement, il faut aussi travailler là-dessus. Tu vois, par exemple, vraiment, ça pour moi, c'est un gros problème, tu vois, de ne pas réussir à parler. C'est hyper important, ça, tu vois. Mais moi, je pense que votre solution, c'est plus un truc dans l'urgence qu'on a dans le système d'aujourd'hui. En fait, c'est vraiment... parce que ça peut aussi donner envie aux gens, ils se sentent acteurs sur Internet, et derrière, ils se disent « Ah oh, putain, mais vas-y, je vais le faire pour de vrai, en fait. » Et après, il va s'activer pour de vrai. Donc je pense que... Enfin, moi, je le vois vraiment du bon côté. Mais c'est vrai, par rapport à... si on avait le temps, on pourrait faire plein de choses, mais là, vu l'urgence, enfin, à mon sens, hein, après... Mais si on veut une vraie démocratie, ouais, c'est... À mon avis, c'est une bonne idée de passer par là. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est réalisable. En tout cas, c'est voilà, concrètement, on peut le faire. Et c'est un des avantages, quoi. En fait, moi, je verrais plus Internet pour informer les gens plus que pour que les gens y. Parce qu'en fait, voilà, quand on voit les expériences de démocratie, on a Saillant, qui a commencé il y a quelques années à faire un peu des expériences démocratiques. On a une autre ville qui s'appelle Vaudoncourt. On a une ville en Espagne aussi qui s'appelle Marina de la, qui, bon, c'est des villes qui ont démarré des expériences démocratiques depuis les années 70. Et bon, c'est vrai qu'ils font des AG, tout simplement. Ouais, comme disait la dame, rien ne vaut l'AG, parce que c'est vrai qu'on est dans un rapport direct, quoi. Voilà, quoi. Parce que c'est vrai que l'informatique, ouais, je verrais plus pour informer, moi. Pour informer les gens, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Justement, vraiment, le premier point, c'est vraiment la transparence. Grosso modo, l'idée, comment elle est venue, c'est en fait, avant les élections, on a des magnifiques tracts hyper marketing ou pas, qui fonctionnent assez, qui permettent d'avoir un député en face de nous, un délégué, un responsable, en tout cas pour par exemple les élections communales, où on se rend compte que la personne on la connaît pas, que elle était élue, on connaît pas ses décisions. L'objectif c'est vraiment de savoir quelles ont été pendant l'ensemble de son mandat et aussi le challenger, quelles ont été ses idées pendant l'ensemble de cette période là, donc sur 4 ans, savoir sur les différents débats qu'il y a eu, les différentes opinions qu'il a pu avoir, et aussi quel est son programme strict, en ayant une visibilité justement sur le budget au niveau communal. On sait par exemple qu'il y a 30% qui est alloué aux écoles, 30% qui est alloué au niveau de la route. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas respecté, et avoir une vraie visibilité sur ça. Et ça, c'est ça on est obligé de passer par la mairie pour avoir ces informations là. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se fait pas à côté, c'est vraiment en partenariat entre guillemets, mais avoir une vraie visibilité. C'est-à-dire que là, avant les élections, au lieu d'avoir un tract et de se dire bon bah c'est entre l'un ou l'autre et au final on sait pas, bah là au moins on sait exactement ce qu'il fait. Et cette espèce de connaissance, ça permet aussi d'avoir une espèce de contrôle indirect sur eux. C'est-à-dire avoir une vraie visibilité sur ce qu'ils font et qu'on peut savoir quand ils manquent leurs engagements. Parce qu'au final, la mémoire citoyenne, elle est assez court-termiste, dans le sens où il se passe quelque chose, on l'oublie parce qu'on chacun a sa vie. Là, l'objectif, c'est de le rappeler avant l'élection. Bah, on sait que il y a 3 ans, bah, il a construit un rond-point alors que personne n'était d'accord. Une école, il a mis un stade gigantesque alors que l'école avait besoin de volets. C'est des détails comme ça. Et c'est cette visibilité-là qu'on veut avoir au niveau des élections. C'est-à-dire, au niveau des élections, bah, d'accord, c'est le seul pouvoir réel qu'on a. Et ben, du coup, on peut l'utiliser en ayant le vrai savoir sur les personnes qu'il y a en face et qui challenge et qui essaie de nous arracher un peu nos ventes au détriment de notre savoir. Puis ça peut être une plateforme où, par exemple, si la mairie ne veut pas nous communiquer certains documents ou que tu n'arrives pas personnellement, toi, en tant que citoyen, auprès de ta mairie, à avoir certains documents, tu peux essayer par ce site, par cette approche, d'avoir plus de monde, une force de voix robotise, quoi. Comme c'est un site, s'il y a 1000 personnes qui demandent le papier, si la mairie ne veut pas le fournir, c'est plus embêtant que s'il y en a une, tu vois. Si tu vas un, ça peut être plus long. Là, on peut essayer d'avoir des documents qu'on puisse mettre après à libre, chacun pour pouvoir y accéder. Soit des documents qui sont fournis par la mairie, qui les ont fournis gracieusement, d'autres qu'on a réussi à avoir pour différentes façons, on peut les mettre en ligne et chacun peut les consulter. Il peut avoir des devis, on peut demander, pour la question d'une crèche, on peut demander des devis. On peut essayer, je crois, il y a des gens qui peuvent se dire, ah, c'est bizarre ce devis-là, moi je travaille dans le bâtiment, je trouve ça vachement cher quand même, c'est vachement bizarre. Des trucs comme ça. Je pense que voilà, si on peut essayer d'avoir une plateforme, on peut aussi avoir accès aux documents où chacun peut les consulter, dire ce qu'il en pense dessus, et qu'il puisse avoir des échanges et qu'on puisse débattre, ce qui n'empêche pas les AG de se tenir. Et je pense que c'est juste une autre source d'information, un autre outil, mais rien n'empêche de faire les deux. Tu veux réagir Non, c'est bon. Vous voulez... Ah, tenez. Bonjour à tous. Ce que je propose, c'est vraiment de... Ah, d'accord. Donc, à mon avis, c'est une expérience que j'ai vécue chez moi. Donc, le citoyen, il faut vraiment l'interpeller, le provoquer des fois. Des fois, tellement il est occupé de faire son quotidien et tout ça. Donc, des fois... avec l'oubli, avec et tout ça, donc il faut vraiment l'interpeller, le provoquer. C'est un truc que j'ai vu que chez moi en Kabylie, donc on a sorti un truc, c'est une rumeur, de construire un parc de voitures et tout ça, donc alors qu'on a besoin de logements sociaux, et les citoyens de ma commune, c'est une petite commune, donc ils se sont manifestés, qu'on voit, c'est pas un truc prioritaire, il faut vraiment... À construire des logements sociaux. Finalement, au niveau de la mairie, on a poussé les autorités à ouvrir pour un truc. Le citoyen, des fois, il est sterné, bon, des fois, il est moins foutu. Donc, entre guillemets, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Le citoyen, il a sa vie de tous les jours et c'est pas facile de l'accrocher. Et je pense que vous êtes meilleur pour parler ça de moi parce que je pense que vous essayez apparemment de faire ça concrètement et je veux bien croire que c'est vraiment pas facile. Mais voilà, ce qu'on disait, voilà, c'est qu'on juste, on peut essayer de donner juste une corde en plus à notre arc, une flèche en plus à notre arc, je sais plus avant c'est quoi l'expression, mais qu'on puisse essayer de donner un autre moyen de participer à la vie politique, en tout cas au point de vue local. Mais ça, l'un n'empêchera jamais de mobiliser les concitoyens sur le terrain et dans un projet commun ou contre un projet commun pour le coup. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu voulais réagir aussi. Non, c'est juste une forme de lobbying en fait, du citoyen en fait, qu'on veut essayer de mettre en place au travers de ça. C'est vraiment ça. Quand toi, par exemple, tu vois que grâce aux manifestations, vous avez réussi à contrecarrer un projet de parking alors qu'il y avait des HLM, c'est justement là où déjà le fait de le savoir, d'être informé au préalable, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, parce que quand on va sur les... Bon, alors, j'ai pas consulté tous les sites officiels de toutes les mairies de France, mais quand on voit, c'est vachement opaque, c'est pas forcément bien fait, on n'a pas vraiment de visibilité sur les 2 ans à venir, sur les sujets qui vont être importants, ce qui vont impacter réellement le budget de la mairie. Là, ce qui est important, justement, à notre sens, c'est de le savoir. Et d'après, de donner notre point de vue. Et le fait de donner notre point de vue, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, une fois qu'on voit que la personne l'a fait en dépit du point de vue du citoyen, il y a un vrai danger pour eux au niveau des élections électorales. Parce qu'on revient de toute façon à ça, de toute façon. Au pouvoir du vote, le seul pouvoir qu'on a réellement, entre guillemets. Ouais, merci. Et moi, je voulais dire, c'est par rapport à ce que tu disais, moi, je pense que c'est... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de l'impact que peuvent avoir leurs actes, en fait. Ils n'ont pas conscience qu'en faisant des choses, ils vont pouvoir avoir des résultats, de très bons résultats. Je reviens juste, j'ai pas suivi le début de la discussion, pardon, donc sur la présentation de votre site là. Mais du coup, quelle est l'écoute après des élus de tout ce qui se passe sur cette plateforme numérique, sur ce qui est proposé, etc. Est-ce qu'il y a une retransmission, on va dire, de tous les débats à chaque conseil municipal, conseil communautaire? Quel est l'après en fait qui fait qu'il y a un lien avec les décisions et le concret? Pardon, vous l'avez peut-être déjà dit, mais. on l'a dit brièvement, donc c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'était que bien sûr, il faut que la mairie joue le jeu. Si on veut vraiment que ce soit efficace, il faut que la mairie joue le jeu, ça on ne peut pas les forcer. Mais... Jeu, c'est quoi? C'est qu'ils aillent voir les discussions sur le site ou est-ce que c'est de laisser une place à vous ou aux personnes qui sont là En fait, ce serait plutôt au préalable, c'est-à-dire qu'il y a des réunions qui sont faites au niveau communal toutes les semaines ou tous les mois, et en fait, au préalable de ces... Nous, c'est qu'on reçoive en fait au préalable les ordres du jour. Les ordres du jour pour pouvoir avoir les informations au préalable pour donner notre point de vue déjà. Donc, en fait, au préalable de ces réunions avec... Alors après, c'est y a forcément des personnes qui doivent être actives parce que une fois qu'on a les ordres du jour sur les différentes constructions, les différents budgets qui doivent être alloués, bah, du coup, il va falloir solliciter des spécialistes à droite et à gauche. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut réussir à trouver des universitaires qui sont un peu dans cette réflexion et cette vision d'impuissance par rapport aux politiques qui seraient d'accord pour pouvoir, à titre gratuit ou non d'ailleurs, intervenir sur ces sujets-là. Je pense que solliciter les gens, c'est fortement possible. Et surtout sur ce modèle-là. Oui, après, ce que je voulais te dire, c'est que donc, c'est sûr que quoi qu'on propose sur le site, ce qu'on a dit aussi plus tôt, c'est qu'on ne peut pas forcer les politiques de le faire. On peut juste dire qu'il y a X% de la population de la commune qui souhaiterait voir ça aboutir, ou qui est contre que ça aboutisse, ou qui aimerait que dans les 10 prochaines années, ou dans les 5 prochaines années selon le projet, on fasse que la direction de la politique entre guillemets de la ville aille dans ce truc-là. Et qu'on ne nous dise pas juste avant l'élection ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils feront généralement pas. Moi, je sais pas, dans ma ville, personnellement, ils ont encore fait le trottoir devant chez moi tous les 5 ans. Ouais, ils l'ont fait deux fois, je crois, en 5 ans, là. Bon, magnifique, hein, il était pas mal aussi avant. Je sais pas trop pourquoi ils le font, tu vois, j'aimerais bien savoir. Peut-être qu'il y a une raison, hein, peut-être que je suis pas au courant de tout. Mais ouais, je pense que c'est à ce niveau-là, on peut essayer de plus participer, d'être plus informé, et d'être, entre guillemets, de montrer qu'on est quand même assez rassemblés, qu'on est assez nombreux à exprimer cette opinion. Et que cette opinion, elle compte, parce que c'est nous qui votons, comme l'a dit Valentin, c'est le seul pouvoir qu'on a, de toute façon, c'est déposé notre dans l'urne. J'ai oublié le mot. Ou de se présenter. Je suis d'accord aussi. C'est une autre réflexion. Parce qu'il manque aussi beaucoup de courage, beaucoup de boulot, beaucoup de temps et pas mal de financement. Mais t'inquiète, c'est sûr si pas. Bien sûr. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. En tout cas, moi, ce qui m'emmerde concrètement, c'est me plaindre. Continuer à me plaindre. Trouver que ça bouge pas et que c'est de la merde et ne rien faire pour le changer. Je pense que si on se sort pas les doigts du cul, on n'avancera pas. Donc plutôt que de me plaindre, je pense qu'il faut qu'on essaye. En tout cas, j'essaye de mon côté, à mon échelle, avec mes petits moyens et mes petits bras, de faire quelque chose et de m'investir. Et je sais très bien que c'est pas en rentrant dans un quoi. Je crois assez peu en rentrant dans un parti politique. Je crois pas trop à ces voies-là. Donc j'essaie de faire ça de façon différente. De toute façon, j'essaie constructive et pour le bien de tous. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. En fait, la question de la personne là, qu'elle vient de poser, en fait, elle pense que vous avez déjà mis en œuvre la chose. En fait, vous, c'est un projet, d'après ce que j'ai compris. En fait, vous avez même parlé d'Epitech, vous êtes des informaticiens, a priori, non, même pas. Enfin, je sais pas. Donc, en fait, c'est un projet, hein, c'est pas quelque chose qui a été mis en œuvre déjà, quoi. C'est, je pense que voilà, il y avait un petit quiproquo là. Il y a déjà une réflexion, même si c'est pas lancé, sur comment il est écouté aussi et comment toutes ces discussions sont écoutées après par les élus et ceux qui ont le pouvoir décisionnaire. Mais du coup, non, j'avais bien compris que c'était un projet, mais je pense que c'est quand même déjà à réfléchir, avant même de réfléchir à l'aspect pratique informatique, quoi. Parce que ça va donner tout le cœur, on va dire, je pense pour moi, de tout le sens du projet et de l'organisation du truc. Voilà. Oui, non, mais toutes les précisions sont bonnes à apporter, c'est vrai, ouais, j'ai pas, c'est pour l'instant malheureusement qu'à l'étape de l'idée. Oui, parce que en fait, j'avais été il y a 2 semaines au NUMA où il y avait justement quelque chose sur la démocratie numérique. Et peut-être une possibilité justement pour faire participer les gens, ce serait d'utiliser la mailing list. Je pense par exemple, je sais pas, début d'année ou début de rentrée, peu importe, où on dit, bah voilà, on vous propose de participer sur ces plateformes-là par rapport, parce que vous avez dit à un moment, oui, tout le monde ne peut pas débattre sur tous les sujets, mais je suis pas sûr que les gens soient intéressés pour débattre sur tous les sujets. Et justement, si on leur disait, vous pouvez vous impliquer dans un truc, dans un axe par exemple, ou mais lancez-vous là-dedans, faites des propositions, il y aura une plateforme de débat, et derrière vous pouvez aussi vous rencontrer, donc là il pourrait y avoir par exemple l'aspect local, départemental, régional, gouvernemental, enfin Mais peut-être que le support mailing list au début, ça pourrait permettre justement aux gens de savoir ce qui se passe et du coup, tout simplement déjà en lisant ce qui est possible, de rentrer dans quelque chose. Oui, c'est bien sûr, c'est envisageable. Ce serait plus du concret. Mais bon, c'est sûr que comme chaque fois qu'il y a un débat, il faut qu'il y ait un agenda, il faut que les gens puissent préparer les débats, sinon c'est pas non plus complètement intéressant. Hein. Tu peux pas quoi. C'est toujours plus intéressant à mon goût si on a le temps de se renseigner avant, de réfléchir à tout ça. Donc oui, le mailing list, c'est facile en fait à mettre en place. Tout ce qu'il faut pour ça, c'est un endroit où on puisse récupérer l'information. Et c'est là l'intérêt d'Internet. C'est plus simple que de demander quoi. C'est plus simple. Ça peut être plus rapide et moins coûteux, parce que tu peux aussi le faire par le postier. Mais et bien encore, tout le monde n'ouvre pas ses boîtes aux lettres, mais soit numérique ou pas. Hein, ça c'est pareil. Mais oui, l'histoire du mailing list, je pense que ça, c'est complètement faisable. Bon, après, chacun son opinion. Je pense qu'il y a très peu d'impact au gré des informations qui peuvent être... tes boîtes mail sont en général saturées. Donc, en fait, après, ça, c'est plus une mise en place de communication par rapport à cette méthode-là. Enfin, pas cette méthode, mais cette nouvelle façon de penser. Après, j'avoue que sur la communication au niveau du citoyen, moi, je la voyais plus un petit peu... comme c'est au niveau local, on peut, comme je l'ai dit, discuter sur les marchés, discuter en bas des résidences et pouvoir expliciter au moins la méthode, que les gens puissent être sensibilisés. Je pense que ça aura plus d'impact. Pour le coup, je pense que la proximité là aura plus d'impact que le numérique pour pouvoir mettre en place ce type de choses. Parce qu'après, j'ai une confiance relative quant aux envois de mails sur les boîtes mail. Enfin, les gens s'en fichent d'une façon générale. Ils considèrent que ce soit la boîte mail numérique ou non, que c'est de la propagande, de la publicité. Donc, ça a que très peu d'impact malheureusement sur le citoyen. Après, sur le site, tu peux très bien avoir une page avec l'agenda des discours et quoi des discours. L'agenda des interventions, des sujets, des thèmes qu'on veut aborder avec un calendrier. On n'est pas obligé de l'envoyer par mail. Hein. Tu peux très bien l'avoir accès directement au site de façon très facile. Oui. Ah ben, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on mette les gens, c'est ce que disait Valentin, il faut qu'on mette les gens au cœur du sujet et que les gens soient actifs, soient acteurs. Si les gens ne participent pas, non, tu participes pas, si tu participes pas, ça marche pas. Ça, c'est sûr. Et c'est là où c'est difficile. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Non mais encore une fois, enfin si je là par exemple de façon locale, on en a parlé tout à l'heure, si pendant une année il y a même très peu de personnes qui participent, mais du coup tout le peu qui participent, ça crée des choses et que c'est eux du coup qui font bouger la commune, mais l'année d'après il y a forcément beaucoup plus de personnes qui vont participer. Donc je pense qu'avant de penser la participation, il faut penser l'impact. Si demain on dit ceux qui participent, ça va créer des choses, ils vont avoir un impact avant que le politique dise ah oui ou non ou c'est pas consultatif. Non, c'est pas consultatif quoi. Faut que ce soit opératoire. Et du coup derrière les gens vont participer en fait parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un pouvoir. Et si ils vont pas participer en se disant peut-être qu'on aura un pouvoir, peut-être parce qu'on sera plus et que un jour les gens comme tu le disais aussi. Du coup, tu donnes ton avis, même du coup, tu passes du temps parce que tu te dis, ça m'intéresse, j'ai envie de développer, je lis les autres choses, et y a rien. Donc en fait, même les peu de personnes qui étaient au début prêtes à participer vont partir. Ah, c'est tout le challenge de travailler avec une mairie qui veut jouer le jeu et qui veut bien accorder du poids à notre sorte de proposition, c'est certain. Après, comme on l'a dit, on peut pas les forcer, sauf si on s'implique dans la vie politique locale et qu'on devient candidat et que si jamais on est élu, là, on a les mains dans le cambouis et on fera... ce qu'on voudra faire à ce moment-là. Et ce qu'on pourra faire aussi peut-être à ce moment-là. Ça, c'est un autre débat. Mais pour revenir à ce qui nous concerne, en tout cas, moi, j'estime que la participation, en fait, plus il y aura des gens qui donneront leurs idées, plus ça donnera vie au site, et plus les propositions qui sont mises dans ce site seront entendues, en tout cas seront criées, quoi, seront... Les gens en parleront, c'est comme ça que ça marche à mon avis. Il faut que les gens en parlent, que ce soit au niveau local. Ah ouais, ils ont vu ce débat-là. Il faut que ça, c'est une autre forme d'interaction. Il n'y a pas que le marché le dimanche matin ou le samedi matin. Tout le monde ne va pas au marché le dimanche matin. Et je trouve que dans la société aujourd'hui, il y a moins en moins d'échanges à l'intérieur des citoyens. Alors, ils pourraient très bien se rassembler dans une salle, comme on disait, c'est vrai, mais comme ça se fait, je trouve pas tant que ça. C'est peut-être une autre façon de faire qui sera complémentaire et qui peut apporter. Du débat. Je sais pas, j'ai vu des gens qui réagissent là-bas. Mais... Ouais. Alors, c'est toujours délicat d'intervenir sur, parce que j'ai pas écouté. Enfin, j'étais pas là le début de l'intervention, mais je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Ça c'est un peu plus facile. Et en fait, c'était très intéressant hier. J'ai assisté à une réunion dans un bar parisien de plusieurs associations on va dire plutôt à tendance écologiste. Et il y avait une association en fait, il y a quelques années, ils voulaient créer une espèce de communauté. Et en fait, ils se retrouvaient avec une dizaine de personnes. Et en fait, ils se sont rapidement rendu compte que chaque personne avait des initiatives et des envies un petit peu différentes. Et ils se sont vite rendu compte qu'en fait, ils n'allaient pas créer une communauté, mais qu'ils allaient créer plusieurs communautés. Et pour le coup, alors c'était très utopique. Et puis au bout d'un moment, la dame qui parlait fait l'année dernière, on a réussi à acheter un champ avec une cabane en région parisienne. Et en fait, ce champ, il appartient à 60 personnes. Aujourd'hui, c'est un peu genre une résidence secondaire. Donc en fait, il y avait vraiment eu du concret. Et ça, c'était très intéressant parce que, enfin, on voyait concrètement une initiative qui pouvait, entre guillemets, marcher. Enfin, il y en a d'autres, hein. Mais ça faisait longtemps, en tout cas, que je n'en avais pas entendu parler. Donc ça faisait du baume au cœur. Et en fait, ils se sont rendus compte que il y avait des gens qui voulaient en fait vivre ensemble. Il y en avait qui voulaient que venir là pour le week-end. Il y en a qui voulaient que ça soit un peu leur résidence de vacances ou de faire autrement. Et en fait, ils ont réussi à regrouper des personnes suffisamment nombreuses autour de ces différentes envies de faire. Et je trouve que ça ressemble vachement à la sociocratie dont on a parlé il n'y a pas longtemps, puisque finalement, il y avait un but commun. Et je trouve que c'est très intéressant. Et au départ, pour revenir à ce que vous disiez, ils étaient très peu nombreux, en fait. Et c'est au fur et à mesure. Et en fait, le fait d'avoir acheté ce terrain et cette cabane, ça a montré que aux autres, que c'était possible de le faire. Et là, ils ont créé une section Île-de-France. Enfin, il y a un truc à Paris. Il y a plusieurs initiatives qui sont en train de se monter. Donc même si au départ, on est 2-3 et on est un peu désilluminés, des fois, ça peut effet de boule de neige, en fait. Et ça peut donner des trucs très, très surprenants. Donc même s'il y a une chance sur 10 millions que ça marche, si ça peut marcher, tant mieux. Voilà. On va prendre les dernières réactions ou questions, si vous voulez. Sinon, je sais pas si vous voulez conclure. Chacun votre tour, voilà. Non, je voulais juste remercier pour ce débat, voir des points de vue différents, c'était super intéressant. Moi, je sais quoi là, avec mon ami Valentin, on essaye en tout cas de trouver d'autres façons de faire. Entre guillemets, de la politique, c'est pas forcément un mot que j'apprécie, mais qu'on essaye d'améliorer en tout cas l'avenir, de notre avenir, que ce soit pendant un premier temps, je pense qu'au niveau local, c'est là où on a le plus d'action. Et j'espère qu'on y arrivera, ça prendra sûrement du temps, mais on va pas lâcher. Je te laisse. Merci. Bon, bonne journée à tous, bonne app pour ceux qui mangent, et puis bon dimanche. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Et je vais passer le micro à Boris. Donc, bonjour à tous. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, et au sein des Duc Pop, on a voulu faire cette chose-là. Maintenant, on va essayer de faire une minute de silence pour les attentats. Donc, ceux qui veulent se rapprocher peuvent. Et donc, on fait quoi? On se rapproche tous ou... À la minute de silence. Faut la lancer, par contre, parce que si tu la lances pas, ça va être compliqué. Attends. Faut la crier surtout, Boris. Attends, déjà, faut que je prenne le chrono. S'il te plaît, Boris, crie-le avec ta voix. Ouais, je trouve que c'est... Seb, s'il te plaît. 30 secondes. Je trouve que c'est assez symbolique. Et moi, je suis arrivé ici il y a quelques dizaines de minutes. Et quand j'ai vu les gens, j'ai eu un petit truc. Ça m'a fait quelque chose, en tout cas. Je trouve que c'est assez symbolique qu'on soit là, présent sur cette place aujourd'hui, même si on est très très peu nombreux. Ouais, mais c'est même pas... Là, c'est au-delà du froid, c'est au-delà de beaucoup de choses. Ce matin, j'ai eu du mal à trouver des mots, en fait, personnellement, sur cette journée. J'ai l'impression que les 1 an, ils sont passés comme une... très très vite, en fait, et à la fois très très lentement. Et on a vu beaucoup de témoignages. Je sais qu'il y a des gens qui habitent le quartier qui se sont fait un petit peu empoigner par des journalistes pour avoir des témoignages absolument, parce qu'il fallait faire des choses dans les médias. Moi, j'arrive pas trop à dire les choses sur ça, donc Mais je suis content d'être là et j'ai un peu des frissons en même temps que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire. Donc on va faire cette minute de silence et merci de l'avoir proposé. Et je sais qu'on a des copains de Nuit Debout qui sont ailleurs en France et qui soutiennent et qui sont avec nous en fait. Voilà. Ok. Donc on va la commencer. Voilà, c'est parti. Pour une minute de silence pour les attentats. C'est bon, tout le monde est. Hop. Donc c'est parti. Merci à tous pour la minute de silence. Donc, maintenant c'est quoi cet atelier ? Tu veux le faire ? Alors la transition la plus difficile que j'ai eu à faire depuis que je suis à Nuit Debout, ça va être celle-ci je crois. En fait, on a décidé de faire cette minute de silence juste avant notre atelier « Quelle société veut-on ?». Le lien, bah voilà, forcément, « Quelle société veut-on ?». Bah, tout ça, tout ce qui s'est passé, ça nous a fait beaucoup réfléchir, forcément, tout le monde. Et voilà, c'était peut-être le lien le moins borderline qu'on pouvait faire. Et on va essayer de réfléchir à une société où il n'y aura pas de 13 novembre, en tout cas. Et on va vous proposer un thème. Alors vous avez du thé, du café, si vous voulez prendre 3 secondes, le temps qu'on s'installe. Et encore une fois, merci. On va essayer de ne pas parler trop fort. Mais c'est important d'être là aujourd'hui, malgré la pluie et le froid, et penser à autre chose, et à comment faire différemment, en tout cas. Tu t'as démarré l'atelier ou pas là ? L'atelier va démarrer dans 3 minutes. Tu veux dire un petit truc ? Ouais, vas-y. Alors bonjour, moi tout d'abord je viens de Nuit Debout Strasbourg en fait, et je voulais remercier Nuit Debout Paris pour le fait qu'ils continuent à être présents sur la place en fait, parce que... Nous, à Strasbourg, le mouvement commence à s'essouffler, en fait, et donc je suis content de voir qu'il y a encore des gens qui tiennent le coup malgré que...